Couleur Isabelle par Horace von Hoffel. L'archiduc Albert avait différé d'ordonner le siège d'Ostende parce qu'il manquait d'argent. Mais en janvier 1601, il envoya l'ingénieur Nicolas Croutel reconnaître la place. Croutel revint le mois suivant, très fatigué de son voyage. Il était déguisé en pêcheur et avait couru de grands dangers. Il présenta à l'archiduc un plan de la ville où la mer et les défenses étaient représentées au naturel. Ostende possédait une enceinte bastionnée avec de larges fossés pleins d'eau et deux ouvrages avancés, la demi-lune du polder et le bonnet carré, construits sur des îlots dans les terrains marécageux de l'intérieur. Du côté de la mer, des pilotis et des brise-lames gardaient les fortifications de la fureur des flots, et un havre, nouvellement creusé à travers les dunes, permettrait aux assiégés de recevoir sans cesse des troupes et du matériel. Croutel estimait que l'entreprise serait coûteuse et difficile. Il avait tourné son plan de dessin allégorique. Des génies représentaient les quatre points cardinaux. La mer était peuplée de sirènes et de tritons. Au bas de l'image, le dieu Mars recevait de Minerve des armes, un compas et un sablier. Cela voulait dire que le siège d'Ostende exigerait beaucoup de sagesse, de science et de temps. Nicolas Croutel donna quelques autres détails sur la garnison de la ville menacée. Il avait compté 43 canonniers, une enseigne de bourgeois et 20 enseignes de troupes étrangères. Il y avait pas mal de gentilshommes français, protestants ou cadets de famille pour la plupart. Le 22 juin 1601, l'archiduc Albert partit de Bruxelles avec toute sa cour et une nombreuse escorte. L'infante Isabelle l'accompagnait jusqu'à Gand, où ils entrèrent au son des cloches. Pendant qu'elle chevauchait, à côté de son époux, sous le dais brodé d'or et surmonté de plumes d'autruche, le peuple songeait aux vœux qu'elle avait faits, de ne pas changer de linge aussi longtemps qu'Albert resterait devant la cité rebelle. Les Ostendais étaient entêtés, mais la princesse ne le paraissait pas moins, avec sa petite tête altière qu'elle portait toute droite dans les larges gaudrons de sa fraise tuyautée. Le 5 juillet, l'archiduc assista, du haut des remparts du fort ruiné d'Odenberg, au défilé de son armée. Déjà, à l'horizon, quelques incendies allumés par les batteurs d'estrade épouvantaient le ciel. Albert vit passer 20 000 hommes partagés en deux corps. Frédéric de Berg commandait le premier, composé de 4 régiments d'infanterie et de 3 cornettes de cavalerie. Les cuirassiers étaient vêtus de fer depuis la pointe des pieds jusqu'au sommet de la tête, et leurs lances se dressaient comme une forêt d'épis noirs au-dessus des lourds escadrons. Augustin de Mexia, gouverneur du château d'Anvers, conduisait le deuxième corps, plus mélangé. On y trouvait des argoulets, des stradioféroces et des croates sanguinaires. Les fantassins allaient au pas, la hallebarde sur l'épaule, le morion dans la nuque, précédés de leur porte-étendard, fifres, tambours, sergents et maestro del campo, allant la canne au poing, le chapeau empanaché sur la tête. Ensuite venait l'artillerie, ses attelages bruyants, ses caissons, ses avant-trains et ses ingénieurs, dirigés par Mathieu de Sorano. La tranchée fut ouverte le 10 juillet. Maurice de Nassau avait confié la défense d'Ostende à Sir Horace Vere. Dès les premiers jours, Sir Vere joua serré. Il faisait sortie sur sortie et ne laissait aucun répit aux canonniers de l'archiduc. Il possédait d'excellents pointeurs, empruntés aux équipages corsaires des pirates anglais et des gueux de mer. Mais le 19 août, l'armée d'Albert se renforça. Presque en même temps, Ostende reçut des secours. Henri de Coligny, petit-fils du grand amiral, pénétra dans ses murs. L'effectif des troupes assiégées monta à 10 000 hommes. Coligny songea que l'on pouvait opposer cette force imposante à l'armée de l'archiduc. L'armée d'Albert était plus nombreuse, mais on la disait fort affaiblie par les désertions, l'indiscipline et les maladies. Il fallait sortir du réduit et attaquer. Ce projet, s'il avait été exécuté, aurait causé la perte des Espagnols. Coligny se préparait à partir pour l'assaut lorsqu'un boulet le tua net pendant qu'il regardait par une embrasure. Ce coup funeste fut suivi d'autres malheurs. Ostende résistait depuis 2 ans à toutes les tentatives de l'assaillant. Un nouvel adversaire, un adversaire inattendu, faillit brusquement avoir raison de son héroïsme. La dysenterie et les fièvres paludéennes décimaient sa garnison. l'arrivée soudaine de 500 chaloupes apportant des hommes, des vivres et des munitions, prévint la capitulation qui allait être signée. Alors le siège reprit avec plus de ténacité. Dans le palais de Bruxelles, l'infante ne quittait plus son prie-Dieu. En octobre 1603, le redoutable et rusé Spinola prit le commandement de l'armée. Il était subtil et avait un jour étonné Henri IV, qui voulait connaître ses intentions. Spinola trompa le roi en disant la vérité. Le Béarnais ne put s'empêcher de rire de ce bon tour d'Italien. Le 1er mars 1604, une marée extraordinaire fit du mal aux deux parties. Les travaux d'approche furent ruinés. Au plus fort de la tempête, le canon grondait, et chacun s'efforçait de renverser ce que la mer épargnait. En avril de la même année, Maurice de Nassau tenta de débloquer la ville, aidé de 1400 fantassins et de 20 compagnies de cavalerie. Spinola l'empêcha de débarquer. Enfin, les assiégeants parvinrent à s'emparer des deux premières enceintes d'Ostende. Les regards du monde entier étaient fixés sur la ville. Les poètes la célébraient en l'appelant la Nouvelle Troie. La chamade fut battue le 20 septembre 1604. Les assiégés obtinrent les conditions les plus honorables. Ce qui restait de la garnison sortit par la porte de l'Est, tambour battant, la balle en bouche et les mèches allumées. Spinola invita les capitaines vaincus à dîner. Le 24 septembre, l'archiduc entra dans sa conquête, accompagné de son épouse enfin délivrée de son vœu. Au spectacle des ruines et des tombes, l'infante ne put retenir ses larmes. Son linge avait acquis une couleur jaune pâle, que le cardinal de Ré définit de la sorte. « Isabelle, c'est ce que nous appelons ventre de biche, qui est la couleur des livrées de Condé. » Il faut ajouter que ce trait était attribué à Isabelle la catholique et à d'autres princesses espagnoles. Certains érudits affirment que couleur Isabelle s'applique à la robe du cheval de l'infante. Ce cheval est encore visible au musée de la Porte de Halle à Bruxelles. Il est bien empaillé, mais il aurait besoin d'être repeint à neuf. C'était « Couleur Isabelle » par Horace van Hoffel.